Difficile de caser une lecture dans votre emploi du temps? Avec le livre audio, c'est possible. Pendant votre trajet quotidien ou avant de vous endormir, plongez dans un livre audio avec Audible. Audible, c'est une appli qui permet d'écouter des livres audio et aussi des podcasts sur votre smartphone. Des coachings audio aux fictions sonores, explorez notre catalogue. N'attendez plus, téléchargez l'appli Audible et vibrez au son des livres. Allez, c'est l'heure de remonter le temps avec vous, Franck Ferrand, aujourd'hui dans l'histoire. Bonjour Franck. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Alors dites-moi, quel 26 mars avez-vous choisi de nous rappeler ? Alors, ce 26 mars 1814, c'est le jour de la mort du docteur Guillotin, qui, contrairement à une légende, n'est pas mort sur l'échafaud, mais tranquillement dans son lit. Autre idée fausse et pourtant répandue, Joseph Ignace Guillotin n'est pas du tout l'inventeur de la guillotine. Celle-ci a été conçue par le docteur Antoine Louis de la faculté de médecine et de chirurgie, d'où son premier surnom, d'ailleurs on l'appelait la Louisette. Louis s'inspirait de modèles existants ailleurs en Europe. Il y avait par exemple une machine à décapiter en Écosse dès le XIIe siècle. Guillotin, pour sa part, s'est chargé de défendre politiquement la réforme. C'est lui qui, pour des raisons d'égalité, d'efficacité, a défendu l'idée de la décapitation sans distinction d'origine sociale ou de nature de crime, et de la façon qu'on considérait comme la moins douloureuse. Un peu, vous allez me dire que l'adoption de la guillotine était une mesure humanitaire. Mais pourquoi pas ? N'oubliez pas que ce mode opératoire remplaçait toute une batterie d'anciens supplices plus ou moins dégradants et plus ou moins interminables. La décapitation, avant 1789, était réservée aux aristocrates. Et lorsque le bourreau manquait d'adresse, c'est vrai qu'en plus, elle pouvait tourner à la boucherie. Ouais, ça fait froid dans le dos quand même. Quand la guillotine a-t-elle été officiellement adoptée, Franck ? La guillotine est adoptée officiellement au printemps 92. C'est donc le roi Louis XVI qui signe le décret instituant comme moyen uniforme d'infliger la peine de mort cette décapitation en un instant et d'un seul coup, c'est-à-dire au moyen de cette machine qui va prendre plus tard le nom de guillotine. C'est une ironie de l'histoire lorsqu'on sait que Louis XVI lui-même, évidemment, moins d'un an plus tard, sera exécuté de cette façon. Ironie qui va d'ailleurs plus loin puisqu'il semblerait que ce soit le roi en personne qui a eu l'idée de donner au coup près la forme d'un biseau. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Pour une plongée au cœur de la guerre d'Algérie, nous serons auprès des appelés. À tout à l'heure, Franck. Bon réveil sur Europe 1.